Chapitre 11e, le suffrène. Comme toutes les habitudes de la cour, le secret avait été fidèlement gardé à Louis XVI et au comte d'Artois. Nul ne sut à quelle heure et comment devait arriver monsieur le suffrène. Le roi avait indiqué son jeu pour le soir. À cette heure, il entra avec les princes et les princesses de sa famille. La reine arriva tenant Madame Royale, qui n'avait que 7 ans encore, par la main. L'assemblée était nombreuse et brillante. Pendant les préliminaires de la réunion, au moment où chacun prenait place, le comte d'Artois s'approcha tout doucement de la reine et lui dit « Ma sœur, regardez bien autour de vous. »« Eh bien, dit-elle, je regarde. Que voyez-vous » La reine promena ses yeux dans le cercle, fouilla les épaisseurs, sonda les vides, et apercevant partout des amis, partout des serviteurs, parmi lesquels André et son frère. « Mais, dit-elle, je vois des visages fort agréables, des visages amis surtout. » « Ne regardez pas qui nous savons, ma sœur, regardez qui nous manque. »« Ah, c'est ma foi vraie, » s'écria-t-elle. Le comte d'Artois se mit à rire. « Encore absent, » reprit la reine. « Ah, ça, le ferait toujours fuir ainsi. »« Non, » dit le comte d'Artois, « seulement la plaisanterie se prolonge. Monsieur est allé attendre le bailli de Suffrène à la barrière. »« Mais en ce cas, je ne vois pas pourquoi vous riez, mon frère. »« Vous ne voyez pas pourquoi je ris. » »« Sans doute. » Si monsieur a été attendre le bailli de Suffrène à la barrière, il a été plus fin que nous, voilà tout, puisque le premier, il le verra et par conséquent le complimentera avant tout le monde. Allons donc, chère sœur, répliqua le jeune prince en riant. Vous avez bien une petite idée de notre diplomatie. Monsieur est allé attendre le bailli à la barrière de Fontainebleau, c'est vrai, mais nous avons nous quelqu'un qui l'attend au relais de Villejuif. En vérité. En sorte, continua le comte d'Artois, que monsieur se morfondra seul à sa barrière, tandis que, sur un ordre du roi, monsieur de Suffrène, tournant Paris, arrivera directement à Versailles, où nous l'attendons. C'est merveilleusement imaginé. Mais pas mal. Et je suis assez content de moi. Faites votre jeu, ma sœur. Il y avait en ce moment dans la salle du jeu 100 personnes au moins de la plus haute qualité. Monsieur de Condé, monsieur de Penthièvre, monsieur de la Trémouille, les princesses. Le roi s'aperçut que monsieur le comte d'Artois faisait rire la reine, et pour se mettre un peu dans leur complot, il leur envoya un coup d'œil des plus significatifs. La nouvelle de l'arrivée du commandeur de Suffrène ne s'était point répandue, comme nous l'avons dit, et cependant, on avait pu étouffer comme un présage qui planait au-dessus des esprits. On sentait quelque chose de caché qui allait apparaître, quelque chose de nouveau qui allait éclore. C'était un intérêt inconnu qui se répandait par tout ce monde, où le moindre événement prend de l'importance dès que le maître a froncé le sourcil pour désapprouver ou plisser la bouche pour sourire. Le roi, qui avait l'habitude de jouer un écu de 6 livres afin de modérer le jeu des princes et des seigneurs de la cour, le roi ne s'aperçut pas qu'il mettait sur la table tout ce qu'il avait d'or dans ses poches. La reine, entièrement à son rôle, fit de la politique et dérouta l'attention du cercle par l'ardeur factice qu'elle mit à son jeu. Philippe, admis à la partie et placé en face de sa sœur, absorbait par tous ses sens à la fois l'impression inouïe, stupéfiante, de cette faveur qui le réchauffait inopinément. Les paroles de son père lui revenaient, quoi qu'il en eût, à la mémoire. Il se demandait en effet si le vieillard, qui avait vu 3 ou 4 règnes de favorite, ne savait pas au juste l'histoire des temps et des mœurs. Il se demandait si ce puritanisme, qui tient de l'adoration religieuse, n'était pas un ridicule de plus qu'il avait rapporté des pays lointains. La reine, si poétique, si belle, si fraternelle pour lui, n'était-elle en somme qu'une coquette terrible, curieuse d'attacher une passion de plus à ses souvenirs, comme l'entomologiste attache un insecte ou un papillon de plus sous sa montre, sans s'inquiéter de ce que souffre le pauvre animal dont une épingle traverse le cœur. Et cependant, la reine n'était pas une femme vulgaire, un caractère banal. Un regard d'elle signifiait quelque chose. D'elle qui ne laissait jamais tomber son regard sans en calculer la portée. Coigny, Baudreuil, répétait Philippe, ils ont aimé la reine, et ils en sont aimés. Oh pourquoi cette calomnie est-elle si sombre? Pourquoi un rayon de lumière ne glisse-t-il pas dans ce profond abîme qu'on appelle un cœur de femme, plus profond encore lorsque c'est un cœur de reine? Et lorsque Philippe avait assez ballotté ces deux noms dans sa pensée, il regardait à l'extrémité de la table messieurs de Coigny et de Vaudreuil, qui, par un singulier caprice du hasard, se trouvaient assis côte à côte, les yeux tournés sur un autre point que celui où se trouvait la reine, insouciant, pour ne pas dire oublieux. et Philippe se disait qu'il était impossible que ces deux hommes eussent aimé et fussent si calmes, qu'ils eussent été aimés et qu'ils fussent si oublieux. Oh, si la reine l'aimait, lui, il deviendrait fou de bonheur. Si elle l'oubliait, après l'avoir aimé, il se tuerait de désespoir. Et de messieurs de Coigny et de Vaudreuil, Philippe passait à Marie-Antoinette. Et, toujours rêvant, il interrogeait ce front si pur, cette bouche si impérieuse, ce regard si majestueux. Il demandait à toutes les beautés de cette femme la révélation du secret de la reine. Oh non, calomnie, calomnie, que tous ces bruits vagues qui commençaient à circuler dans le peuple et auxquels les intérêts, les haines ou les intrigues de la cour donnaient seuls quelque consistance. Philippe en était là de ses réflexions quand 7h15 sonnèrent à l'horloge de la salle des gardes. Au même instant, un grand bruit se fit entendre. Dans cette salle, des pas retentirent pressés et rapides. La crosse des fusils frappa les dalles. Un brouhaha de voix, pénétrant par la porte entrouverte, appela l'attention du roi, qui renversa la tête en arrière pour mieux entendre, puis fit un signe à la reine. Celle-ci comprit l'indication et immédiatement leva la séance. Chaque joueur, ramassant ce qu'il avait devant lui, attendit pour prendre une résolution que la reine eût laissé deviner la sienne. La reine passa dans la grande salle de réception. Le roi y était arrivé devant elle. Un aide-de-camp de M. de Castries, ministre de la Marine, s'approcha du roi et lui dit quelques mots à l'oreille. « Bien, » répondit le roi. « Allez !» Puis à la reine. « Tout va bien, » ajouta-t-il. Chacun interrogea son voisin du regard, le « tout va bien » donnant fort à penser à tout le monde. Tout à coup, M. le maréchal de Castries entra dans la salle en disant à haute voix « Sa Majesté veut-elle recevoir M. le bailli de Suffren qui arrive de Toulon ?» À ce nom, prononcé d'une voix haute, enjouée, triomphante, il se fit dans l'assemblée un tumulte inexprimable. « Oui, monsieur, » répondit le roi, « et avec grand plaisir. » M. de Castries sortit. Il y eut presque un mouvement en masse vers la porte par où M. de Castries venait de disparaître. Pour expliquer cette sympathie de la France envers M. de Suffren, pour faire comprendre l'intérêt qu'un roi, qu'une reine, que des princes d'un sang royal mettaient à jouir les premiers d'un coup d'œil de Suffren, peu de mots suffiront. Suffren est un nom essentiellement français, comme Turenne, comme Catina, comme Jean Bart. Depuis la guerre avec l'Angleterre, ou plutôt depuis la dernière période de combat qui avait précédé la paix, M. le commandant de Suffren avait livré 7 grandes batailles navales sans subir une défaite. Il avait pris Trinquemalet et Gondelour, assuré les possessions françaises, nettoyé la mer et appris au nabab Haïdar Ali que la France était la première puissance de l'Europe. Il avait apporté dans l'exercice de la profession de marin toute la diplomatie d'un négociateur fin et honnête, toute la bravoure et toute la tactique d'un soldat, toute l'habileté d'un sage administrateur. Hardi, infatigable, orgueilleux quand il s'agissait de l'honneur du pavillon français, il avait fatigué les Anglais sur terre et sur mer à ce point que ses fiers marins n'osèrent jamais achever une victoire commencée ou tenter une attaque sur Suffren quand le lion montrait les dents. Puis après l'action pendant laquelle il avait prodigué sa vie avec l'insouciance du dernier matelot, on l'avait vu humain, généreux, compatissant. C'était le type du vrai marin, un peu oublié du Jean Bart et du Guétroin, que la France retrouvait dans le bailli de Suffren. Nous n'essaierons pas de peindre le bruit et l'enthousiasme que son arrivée à Versailles fit éclater parmi les gentilshommes convoqués à cette réunion. Suffren était un homme de 56 ans, gros, court, à l'œil de feu, aux gestes nobles et faciles. Agile malgré son obésité, majestueux malgré sa souplesse, il portait fièrement sa coiffure, ou plutôt sa crinière, et comme un homme, habitué à se jouer de toutes les difficultés, il avait trouvé moyen de se faire habiller et coiffer dans son carrosse de poste. Il portait l'habit bleu brodé d'or, la veste rouge, la culotte bleue. Il avait gardé le col militaire, sur lequel son puissant menton venait s'arrondir comme le complément obligé de sa tête colossale. Lorsqu'il était entré dans la salle des gardes, quelqu'un avait dit un mot à M. de Castries, lequel se promenait en long et en large avec impatience, et aussitôt celui-ci s'était écrié « Monsieur de Suffren, messieurs !» Aussitôt les gardes, sautant sur leurs mousquetons, s'étaient alignés d'eux-mêmes, comme s'il se fût agi du roi de France, et le bailli, une fois passé, il s'était formé derrière lui en bon ordre, 4 par 4, comme pour lui servir de cortège. Lui, serrant les mains de monsieur de Castries, il avait cherché à l'embrasser. Mais le ministre de la Marine le repoussait doucement. « Non, non, monsieur. »« Non, non, monsieur, lui disait-il. Non, je ne veux pas priver du bonheur de vous embrasser le premier quelqu'un qui en est plus digne que moi. » Et il conduisit de cette façon monsieur de Suffren jusqu'à Louis XVI. « Monsieur le bailli, » s'écria le roi tout rayonnant. Et dès qu'il l'aperçut, « Soyez le bienvenu à Versailles. Vous y apportez la gloire. Vous y apportez tout ce que les héros donnent à leurs contemporains sur la terre. Je ne vous parle point de l'avenir, c'est votre propriété. Embrassez-moi, monsieur le bailli. » Monsieur de Suffren avait fléchi le genou. Le roi le releva et l'embrassa si cordialement qu'un long frémissement de joie et de triomphe courut par toute l'assemblée. Sans le respect du roi, tous les assistants se fussent confondus en bravos et en cris d'approbation. Le roi se tourna vers la reine. « Madame, dit-il, voici monsieur de Suffren, le vainqueur de Trinquemalet et de Gondelour, la terreur de nos voisins les Anglais, mon jambard à moi. »« Monsieur, dit la reine, je n'ai pas d'éloge à vous faire. Sachez seulement que vous n'avez pas tiré un coup de canon pour la gloire de la France sans que mon cœur ait battu d'admiration et de reconnaissance pour vous. » La reine avait à peine achevé que le comte d'Artois, s'approchant avec son fils, monsieur le duc d'Angoulême, « Mon fils, dit-il, « vous voyez un héros. Regardez-le bien, la chose est rare. »« Monseigneur, » répondit le jeune prince à son père, « tout à l'heure encore je lisais les grands hommes de Plutarque, mais je ne les voyais pas. Je vous remercie de m'avoir montré monsieur de Suffren. » Au murmure qui se fit autour de lui, l'enfant put comprendre qu'il venait de dire un mot qui resterait. Le roi prit alors le bras de monsieur de Suffren et se disposa tout d'abord à l'emmener dans son cabinet, pour l'entretenir en géographe de ses voyages et de son expédition. Mais M. de Suffren fit une respectueuse résistance. « Sire, veuillez permettre, puisque votre majesté a tant de bonté pour moi. »« Oh !» s'écria le roi. « Vous demandez, M. de Suffren ?»« Sire, un de mes officiers a commis contre la discipline une faute si grave que j'ai pensé que votre majesté devait seule être juge de la cause. »« Oh, M. de Suffren, » dit le roi, « j'espérais que votre première demande sera une faveur et non pas une punition. »« Sire, votre majesté, j'ai eu l'honneur de le lui dire, sera juge de ce qu'elle doit faire. »« J'écoute. » »« Au dernier combat, cet officier dont je parle à votre majesté montait le sévère. »« Oh !»« Ce bâtiment qui a amené son pavillon, » dit le roi en fronçant le sourcil. « Sire, le capitaine du sévère avait en effet amené son pavillon, » répondit M. de Suffren en s'inclinant. Et déjà, Sir Hughes, l'amiral anglais, envoyait un canot pour amariner la prise. Mais le lieutenant du bâtiment qui surveillait les batteries de l'entrepont, s'étant aperçu que le feu cessait, et ayant reçu l'ordre de faire taire les canons, monta sur le pont. Il vit alors le pavillon amener le capitaine prêt à se rendre. « J'en demande pardon à votre majesté sire, mais à cette vue, tout ce qu'il avait de sang français en lui se révolta. Il prit le pavillon qui se trouvait à portée de sa main, s'empara d'un marteau, et tout en ordonnant de recommencer le feu, il alla clouer le pavillon au-dessous de la flamme. C'est par cet événement, sire, que le sévère fut conservé à votre majesté. Beau trait, fit le roi. Brave action, dit la reine. Oui, sire, oui, madame, mais grave rébellion contre la discipline. L'ordre était donné par le capitaine. Le lieutenant devait obéir. Je vous demande donc la grâce de cet officier, sire, et je vous la demande avec d'autant plus d'insistance qu'il est mon neveu. « Votre neveu ? » s'écria le roi. « Et vous ne m'en avez point parlé ? » ?»« Ô roi, non. Mais j'ai eu l'honneur de faire mon rapport à monsieur le ministre de la Marine, en le priant de ne rien dire à sa majesté, avant que j'eusse obtenu la grâce du coupable. « Accordez, accordez !» s'écria le roi. « Et je promets d'avance ma protection à tout indiscipliné qui sera vengé ainsi l'honneur du pavillon et du roi de France. » Vous eussiez dû me présenter cet officier, monsieur le bailli. Il est ici, répliqua monsieur de Suffren, et puisque votre majesté le permet. Monsieur de Suffren se retourna. Approchez, monsieur de Charny, dit-il. La reine tressaillit. Ce nom éveillait dans son esprit un souvenir trop récent pour être effacé. Alors, un jeune officier se détacha du groupe formé par monsieur de Suffren et apparut tout à coup aux yeux du roi. La reine avait fait un mouvement de son côté pour aller au-devant du jeune homme, tout enthousiasmée qu'elle était du récit de sa belle action. Mais oh non, Mais à la vue du marin que M. le Suffrène présentait au roi, elle s'arrêta, pâlit et poussa comme un petit murmure. Mademoiselle de Tavernay, elle aussi, pâlit et regarda avec anxiété la reine. Quant à M. de Charny, sans rien voir, sans rien regarder, sans que son visage exprimât d'autre émotion que le respect, il s'inclina devant le roi, qui lui donna sa main à baiser. Puis il rentra modeste et tremblant, sous les regards avides de l'assemblée, dans le cercle d'officiers qui le félicitaient bruyamment et l'étouffaient de caresses. Il y eut un moment de silence et d'émotion, pendant lequel on eût pu voir le roi radieux, la reine souriante et indécise, M. de Charny les yeux baissés, et Philippe, à qui l'émotion de la reine n'avait point échappé, inquiet et interrogateur. « Allons, allons, » dit enfin le roi. « Venez, monsieur de Suffrène, venez, que nous causions. Je meurs du désir de vous entendre et de vous prouver combien j'ai pensé à vous. »« Sire, tant de bonté. »« Oh, vous verrez mes cartes, monsieur le bailli. Vous verrez chaque phase de votre expédition prévue ou devinée d'avance par ma sollicitude. Venez, venez. » Puis, après avoir fait quelques pas, en entraînant monsieur de Suffrène, il se retourna tout à coup vers la reine. « À propos, madame, je fais construire, comme vous savez, un vaisseau de 100 canons. J'ai changé d'avis sur le nom qu'il doit porter. Au lieu de l'appeler comme nous avions dit, n'est-ce pas, madame ?» Marie-Antoinette, un peu revenue à elle, saisit au vol la pensée du roi. « Oui, oui, dit-elle, nous l'appellerons le Suffrène, et j'en serai la marraine avec monsieur le bailli. » Des cris jusque-là contenus se firent jour avec violence. « Vive le roi ! Vive la reine ! Et vive le Suffrène ! » ajouta le roi avec une exquise délicatesse, car nul ne pouvait crier « Vive monsieur le Suffrène !» en présence du roi, tandis que les plus minutieux observateurs de l'étiquette pouvaient crier « Vive le vaisseau de sa majesté !»« Vive le Suffrène !» répéta donc l'assemblée avec enthousiasme. Le roi fit un signe de remerciement de ce qu'on avait si bien compris sa pensée et emmena le bailli chez lui.